Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut tout le monde. On commence Blues Covers, pop rock dans le blues, avec Skiffle Rendez-vous, un groupe que je passe depuis quelques semaines. Là, c'est une reprise de Van Morrison, issue de l'album Into the Music de 1979. C'est Bright Side of the Road. Skiffle Rendez-vous en 2014, Bright Side of the Road. Extrait de leur album du même nom. Ok. From a dark and lonely street to the bright side of the road, we'll be lovers once again on the bright side of the road. So little darling, come with me, you can help me share my load. On the bright side of the road, into this life we're born. And baby, sometimes we don't know why. Time seems to go by so fast, all in the twinkling of an eye. So let's enjoy it while we can. Let's enjoy it. Won't you help me share the load? Won't you help me share the load? From the dark end of the street to the bright side of the road. Of the road. précédente émission, je vous ai fait découvrir le groupe de Gilles Ribérol, Spirit of My My My, qui reprenait High Blood Pressure de Ray Piano Smith. Eh bien, cette semaine, je vous propose la version de Flying Saucers Gumbo Special, un groupe de Bordeaux qui a publié l'album Nothing But en 2019. Et voici donc leur version de High Blood Pressure. I get a high blood pressure when you call my name. I get a high blood pressure when you call my name. I get a high blood pressure, baby, when you're by my side. I get a high blood pressure when you're by my side. Blues Covers, Mr. Matt, toujours extrait de son EP The Lockdown Session, paru en 2020. Voici une version de Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Bob Dylan, un des artistes les plus repris dans le monde, je crois bien, même par les groupes de blues. Mr. Matt. To sit and wonder why they, even you don't know by now. And I had no use to sit and wonder why, babe. Can it never do somehow? When your star crawls out to break it down. boys, it's all right. It had no use in it turning on your light, baby. The light I'd never know. It had no use in it turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. Something you will do or say, trying to make me change my mind and stay. We never did do much talking anyway. Don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Calling out my name, gal, like I never done before. And I had no use in it calling out my name, gal. I can't hear you anymore. And I'm thinking and wondering, walking down the road. Horns love that woman and shine, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Voici deux nouveautés de 2021. Tout d'abord, Sweet Scarlett, avec encore un morceau de Bob Dylan et encore un morceau très très repris, All Along the Watchtower. Sweet Scarlett, c'est en fait une famille des Hauts-de-France, de l'Aisne ou de l'Oise. Le père, les fils et la belle-fille. C'est quand même assez sympa, ça, comme idée. Et Sweet Scarlett propose un nouveau disque, Rocking That Soul, dont est extrait cette reprise de All Along the Watchtower. Sweet Scarlett. There's too much confusion. Et voici donc pour terminer l'émission, la deuxième nouveauté, Alain Ortega, qui va reprendre Nights in White Satin, ce monument de la pop musique anglaise, paru en 1967 en Angleterre et début 68 en France. Les Moody Blues, c'était un groupe de rock, de blues et de rhythm and blues qui, en 1965, faisait la course aux Stones et autres Kings, avec par exemple I Go Crazy ou Go Now ou encore Bye Bye Bird. Et puis le groupe a évolué, comme pas mal d'autres, vers une musique plus sophistiquée. Et l'album Days of Future Past a eu un retentissement mondial avec ce tube, ce slow, Nights in White Satin. Alors revenons à Alain Ortega, qui est un baroudeur de la chanson, comme le présente quelques sites internet. Il a fait pas mal de disques, il a fait pas mal d'expériences depuis les années 90. Et à part les disques, il a fait pas mal d'expériences dans des festivals, des spectacles sur Aragon, des ateliers d'écriture ou des manifestations contre la discrimination et le racisme. Et son nouveau disque propose des compositions à lui et cette reprise de Nights in White Satin, où la flûte traversière est avantageusement remplacée par la guitare slide et la guitare électrique. Ça, c'est une excellente idée et ça donne au morceau un ton, une ambiance très blues qui colle bien à notre émission et à notre radio. Alain Ortega. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. c'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.